Maurice Dantec, trop bavard, votre cinquième roman Cosmos Incorporated vient donc de sortir. Le décor, c'est le monde de 2057. Les trains roulent à 600 km/h, la nourriture est transgénique, les humains côtoient des androïdes. Un monde où l'anglais n'est plus la langue officielle, où les chiens sont bioniques, ils parlent. D'abord, ce cadre que vous avez imaginé pour votre cinquième roman, est-ce que vous le voyez comme un futur hautement probable ? C'est un peu plus que ça, en fait. Parce que le problème, c'est pas tellement le futur et les probabilités que la genèse même du phénomène. Et j'assiste depuis plusieurs années à la genèse du phénomène. Donc, vous avez le sentiment d'assister aujourd'hui à la construction, à la genèse de ce qu'il y a dans le bouquin. Voilà, c'est ça, oui. Ah oui. Oui. Voilà, ça promet. Ah ben ça, moi j'ai pas dit obligatoirement que ça allait être rigolo, hein, l'émission, hein. Je suis pas venu, enfin, excusez, mais bon, voilà quoi. En 2057, justement, la planète sort dans votre bouquin d'un affrontement terrible et généralisé qui s'appelle le Grand Djihad, une grande guerre. Oui. Depuis le Grand Djihad, le monde est dirigé par une sorte d'entité mondiale, supérieure, que vous appelez l'unimonde humain, et qui contrôle pratiquement tout et tout le monde. Et dans ce paysage très quadrillé, je situe un peu l'histoire, il reste quelques villes indépendantes, comme une ville, comme la ville de Grande Jonction, sur le territoire nord-américain, qui a un maire. Oui. Le maire de cette ville, une mafia russe, veut l'éliminer, c'est ça ? C'est ça, on va dire que c'est le... On pourrait dire que c'est le point de départ, on va dire que c'est le piège de départ. Le livre est une succession de machines. Or, le mot machine vient du grec meknes, qui signifie stratagème. Effectivement, le personnage principal peut être perçu comme un stratagème. Il est mi-homme, mi-machine. Déjà au départ. Il s'appelle Sergueï Plotkin. Il vient, donc, ou plus exactement, il croit venir, parce que pour pouvoir passer les barrières de sécurité que l'unimonde humain a placé un peu partout et qui en fait contrôle biopolitiquement chaque individu, d'une certaine manière, il faut être sans mémoire. Donc, il a été reprogrammé, on va dire, c'est le pitch de départ, d'accord ? Voilà l'histoire d'un homme seul, qui est un cybertueur, qui a été reprogrammé pour que, au moment où il passe la barrière de sécurité, en fait, il n'a pas de mémoire. Donc, la barrière de sécurité n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il est. Il est vierge. Voilà, il est vierge. En fait, c'est aussi parce que le sujet du roman à ce moment-là est vierge. Ma littérature est toujours, enfin j'essaye, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais enfin j'essaye toujours de faire en sorte que d'une certaine manière la narration soit connectée à la narrativité. Je m'excuse d'employer deux... Expliquez-moi donc ça. Eh bien c'est-à-dire qu'au moment où Sergueï Plotkin passe l'arcade de sécurité de l'astrodrome de Windsor, il est effectivement pas tout à fait formé, même d'ailleurs physiologiquement, puisqu'il va traverser une semaine de néogénèse où il va se refabriquer, se reconstruire. Et donc c'est le moment où j'invente le personnage. Ou plus exactement, je serais tenté de dire plutôt au moment où le personnage s'invente, ou se fait inventer dans ma tête. Le problème pour lui, c'est qu'il va aller, ce Sergueï Plotkin, de surprise en surprise. Ah voilà. En cours de préparation, il commence à recevoir des messages très bizarres qui sont en fait, on va l'apprendre un peu plus loin, des messages que Dieu lui envoie. Que disons, on peut dire ça, un ange. Disons, on l'a, dans les textes, comme on dit, pseudépigraphiques juifs, on l'appelle le prince de la face, l'ange Métatron. Il est, disons, le premier des anges. C'est-à-dire qu'il est la première... Le mot incarnation ne serait pas bon. Il est la première manifestation de l'action de Dieu dans le monde. Donc il est à la limite même du monde créé et du monde incréé. Votre livre est-il un livre mystique ? Ah, on peut dire ça. Oui, pourquoi pas, oui, si vous voulez. En tout cas, il y a beaucoup de références à la chrétienté. Saint Augustin, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin tient une place assez centrale, puisque en fait, le livre, si vous voulez, la métastructure de contrôle, dont j'ai dit que je l'avais vu à l'œuvre, si vous voulez, c'est effectivement ce qui nous attend, puisque le problème n'est toujours pas réglé depuis les prétendues lumières. Donc, si vous voulez, il y a eu une querelle extrêmement centrale au Moyen-Âge, qui est aujourd'hui, bon, occulté, puisque le Moyen-Âge, tout le monde s'en fout, évidemment. La querelle entre saint Thomas d'Aquin et Averroès, le penseur islamique, néo-platonicien, j'irais plutôt pseudo-platonicien, mais bon, peu importe. La querelle sur le monopsychisme, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes des êtres qui sont pensés par une force, j'allais dire, démiurgique, qui s'interpose d'une certaine manière entre nous et l'âme humaine, ou est-ce que nous sommes des êtres pensants? Bon, la bagarre s'organise là-dessus. Averroès pense que l'intellect agent séparé fait de nous des êtres qui sont pensés, et même que cette force, entre guillemets, s'empense à travers nous. Et puis, ben, saint Thomas d'Aquin et un certain nombre d'autres disent non, nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres libres. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre livre... Pardon, est-ce que ça veut dire, il y a deux questions centrales, est-ce que l'homme a créé Dieu ou est-ce que Dieu a créé l'homme? Ça, c'est un peu simple. C'est une question qui peut se poser, moi j'ai ma réponse, mais... Non, si. Oui, sans doute, oui. Ok, quelles sont vos réponses, Benoît Delpine? Ma raison, je suis totalement sûr, persuadé que c'est Dieu qui a créé l'homme. Non, que c'est l'homme qui a créé Dieu, mais pour des bonnes et des mauvaises raisons. En tout cas, c'est l'homme qui a créé Dieu. Et Maurice Dantec, vous pensez le contraire? Mes visions d'artiste me font voir de l'inverse parfois. Dans le livre, Cosmos, la religion... Il faut peut-être, si vous permettez, Benoît, juste, parce que je n'en veux absolument pas, enfin, j'en veux pas d'être raté, pensez au fait que, si vous voulez, il n'y a eu aucune civilisation avant la nôtre qui n'a pas été religieuse. Ça n'existe pas dans le monde. Vous pouvez prendre toutes les civilisations historiques, il n'y en a pas eu une seule. Non, mais la religion était souvent là pour... Les catholiques arméniens, ou que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, ou que ce soit les Juifs, ou même que ce soit les Arabes, je suis désolé, il n'y a aucune civilisation qui ne s'est pas à un moment donné redressée, ou en tout cas essayée. Ouais, qui a eu besoin de ça pour tenir, je suis bien d'accord. Mais cette religion-là, toutes les religions d'ailleurs ont été... remplacer, enfin, devait faire fonction de justice, fonction de science, fonction de toutes les réponses, et malheureusement, plus tard, l'homme a trouvé la plupart de ses réponses de façon raisonnable. Ah bon? Ce qui fait que la religion est revenue. Vous trouvez que le 20e siècle a trouvé les réponses raisonnables? Je ne dis pas qu'ils sont... Non, je demande. C'est une victoire absolue de la raison. Oui, une victoire absolue de la raison. La religion, mais... Vous avez feuilleté Anna Arendt? C'est-à-dire que je... Ben Benoît... Non, pas du tout. C'est... Attention, Maurice, plaisanterie. C'était une plaisanterie. Je voulais pas faire à mon tour le petit prof, c'est que là-dedans, vous trouverez des réponses. Ce qu'on appelle... vous avez déjà, alors. Je pense que, justement, je ne crois qu'au doute. Ah, donc même vous ne croyez... Non, c'est bien ça, vous ne croyez qu'à une seule chose. Voilà, je crois au doute, ça n'a jamais fait de mal à personne. Les êtres qui doutent n'ont jamais fait de mal à personne. Tous ceux qui ont des certitudes, à plus ou moins longue échéance... Parce que vous croyez donc que les religions sont basées sur des certitudes. Bah oui, bah la preuve. D'accord. Bah, je sais pas. Ok. Maurice Dantec, à propos du 20e siècle que vous constatez, comme nous tous, que vous vivez, que vous avez vécu, et du début du 21e siècle, vous écrivez quelque chose de très intéressant. Ça vous ennuie de le lire vous-même, d'ailleurs, le passage que j'ai marqué? Vous préférez que je le lise moi-même? Oui, ça revient au même, mais je parle. Non, lisez-le. Je crois que c'était plus joli avec votre voix. Ne vous inquiétez pas. C'était étrange, cette sensation qu'en fait, le 21e siècle était bien le premier siècle, où non seulement l'histoire humaine s'était en quelque sorte arrêtée entre guillemets, mais c'était mise à partir à rebours. La situation de l'industrie spatiale 100 ans après le lancement du premier Sputnik était sans nul doute caractéristique de la chose, et en tout cas rien n'était analogue à aucune autre décadence dans la longue histoire des empires humains. En gros, dans votre bouquin, ce que vous dites, c'est que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui atteint quelque part son maximum. Voilà, c'est ça. Et commence à dégénérer. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que vous pensez hautement probable. Oui, oui, non, c'est ce que je pense. C'est pas hautement probable, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que la fin de l'homme, tel que Nietzsche, par exemple, ou plus tard Foucault, par exemple, ou Deleuze, ou un certain nombre de penseurs, on va dire, ont commencé à circonscrire, la fin de l'homme, j'ai commencé à la concevoir comme corrélative à la fin même de la technique. la technique elle est s'engager dans un processus qu'on appelle disons autophagique, hein, où on se mange soi-même, on se dévore soi-même. Donc évidemment, ça ne va pas être, si vous voulez, j'allais dire, comme simplement une mise à rebours du temps. C'est-à-dire que l'histoire, qui reste une dynamique, se met à revenir sur elle-même comme une bande magnétique. Donc si vous voulez, des éléments de soi-disant modernité se mettent à coexister ou à se transmuter, mais à rebours. Donc je m'étais dit, ah ben oui, nous sommes dans l'ère du rétrovirus, n'est-ce pas ? Tiens, si je faisais un roman, en fait, de rétro-science-fiction, non pas rétro au sens revival, si vous voulez. Rétro mais au sens recul. Voilà, au sens, est-ce qu'à un moment donné, précisément, la base même du genre, qui est, en fait, née au 19e siècle, aussi bien de la pensée libérale que marxiste, d'une certaine manière, qui est que, en fait, le monde, n'est-ce pas, depuis les Lumières, nous promet une accumulation systématique et toujours plus grande des forces productives, aller heurter contre le mur, et ce mur, il existe, nous l'avons vu, il est, disons, en prototype dans le 20e siècle, et je pense que le 21e siècle sera le siècle de sa réalisation. Et ça se passera effectivement sous la forme, d'abord, d'une guerre de tous contre tous, c'est-à-dire que le grand djihad, comme je l'explique, se transforme après en une succession de micro-djihads, où, bon, j'allais dire, peu importe les factions, tout le monde de toute façon est en guerre. Ou en même temps, nous n'allons pas vers la surpopulation, mais au contraire vers la dénatalité, ce qui est déjà une chose avérée. Que nous allons vers l'organisation mondiale, on va dire, d'une agence de gouvernance qui sera dotée de départements spécialisés, plus ou moins par blocs continentaux, bon, parce que linguistiquement ou culturellement, ce sera plus facile. Et puis voilà, à ce moment-là... C'est orwellien. À ce moment-là, le ciel nous sera barré, parce que nous n'aurons plus, non pas les moyens, nous n'aurons plus même la volonté de vouloir être ce qu'ont été les Américains, c'est-à-dire des pionniers. Plus exactement, quand je dis les Américains, je devrais dire les Français, parce qu'il faut savoir que l'Amérique a quand même été colonisée à 9 dixièmes, au sens, je veux dire, 9 dixièmes, au sens géographique, par les Français. Avant que, malheureusement, nos rois soient incapables de faire autre chose que d'écouter Voltaire. Ah, vous êtes colonialiste dans l'âme, alors. Colonialiste, ah, bon. Expansionniste. Malheureusement, pourquoi malheureusement ? C'est grave que l'Amérique ne soit pas française ? Disons que ça aurait été peut-être bien qu'il y ait un morceau de l'Amérique qui reste un français. Mais c'est pas sûr. On va en rendre pas sûr. Ils ont raison. Ouais. Je pense c'est qu'ils vont peut-être nous rendre la Louisiane, je pense. Ouais, prochaine fois. Je crois que vous pouvez toujours rêver. Heureusement, s'il vous plaît, à l'écriture, à votre écriture d'ailleurs, Maurice Dantec, puisque vous ne vous contentez pas d'écrire des livres, il arrive que vous écriviez aussi pour des musiciens, vos potes de No One Is Innocent, par exemple. En voici la démonstration et on en parle juste après.